d'écart avec un visu insolite. J'suis dans un building en face de Bill Gates avec des logos maçonniques. On enchaîne les insomnies, j'atteins vitesse supersonique. Qui voit sur le contrat, concert au Qatar. Suis-moi si t'as l'air insolide. Mais de la gasolina, vivre ou survivre ici, c'est Varsovie. Habiter